2 pour ma putain de zone, 3 pour mon clan, mon rap, on se plie en 4, on maintient le crown, je m'investis ça, allez, je vis ça, y'a beaucoup d'haine dans le visu, je parle pour tous les frères, tous un grand cœur, mais rempli de fissures, craquage, craquage, frère, c'est l'objectif, on se focalise, je m'acharne, connu trop d'abus, on focalise, beau, à l'âge, je vais serrer, au parc, et trop sont déférés, t'as préféré l'indifférence, dans le rein, t'y a pas de référé, hein. C'est eux les grands, c'est eux les fous, tous qui diront, mauvais larron, tête de con, sans un qui pousse, tous y fuiront, est-ce que ça suffira, descendre ton pédestal, écoute ce qui se dit en bas, des noms devenus fantômes, c'est pas ton fait, que la daronne souffrira. Précoce puis qu'on est gosse, le prévenir et préconise une tare dans mon époque, comme un latage d'une vision bucolique. On s'attache plus, rien de genre vraiment comme les coups de pub. Un peu coupable, l'autre nous dérange comme une couteau dans la couture. C'est peu commun, un peu de savoir, un peu connard. Et peur t'y va de croire, t'es mal et cerne dans ton miroir. On a compris depuis l'enfance, on aime avoir le dernier mot. On est vulgaire et insolent, l'arrogance a choisi ses morts. Et puis la vie c'est pas facile, tu traînes dehors ou tu gamberges. Tu veux faire tes démons, mais tes démons ils t'emmerdent. Alors tu découpes les barrettes devant la genre avec sa tomie. Tes poumons ils s'atomisent, car dans le 2F on a tout mis. Et tu chantes. Je te promets, je partirai. Mais parmi mes ennemis, je souhaite une longue vie. Tout faire pour s'en tirer. C'est carré dans sentier, mais je suis frère, oui. Je te promets, je partirai. Mais parmi mes ennemis, je souhaite une longue vie. Tout faire pour s'en tirer. C'est carré dans sentier, mais je suis frère, oui. Préparé pour la guerre, l'équipe elle s'y porte pas les lâches. Ensemble dans la galère, la vie nous rend vieux avant l'âge. On est déçu par la vie, avec le temps tu vois les traîtres. Moi je vente là où tout s'aggrave, vu qu'on recule par des coups de taille. Y'avait rien de perdu d'avance, et bien j'écouterai plus ces gens, hein. J'écrirai ma légende avec des bâtons dans les jambes. Péter ta son, mais on survête, on voulait tous marquer la France. Vous laissez passer la chance, connu la violence depuis l'enfance. Et beaucoup de trucs ont changé, les liens de l'amitié se calcinent. Sachez que le but façonne, y'a plus que l'intérêt qui fascine. Ah, je vous jure que je m'en irai au fond de l'âme perdue, c'est l'hiver. Choisir céder, c'est l'idée. Comment faire perdurer mes rêves, le cœur imprévisible par tous les sentiments ça cache. Maman pardonne ton fils, je porte plus qu'il nous met en cage. J'ai pas su te préserver de mes bêtises, on a touché le fond. Tu mérites ton paradis, la meilleure pour les plus beaux songes. Ces gens là sont pas comme nous, t'as beau paraître mais c'est qu'à l'heure. Tu peux t'acheter des amis mais t'auras jamais mes valeurs. J'pense à mes frères partis au hype, ça tous sera de droit de rentrer. C'est qu'on a déjà un pied dans la brèche parce que des fois y'a pas de plan B. Un manque de réflexion coûte cher, tellement de dégâts sur un coup de tête. Mon grand frère, mon seul abri, quand dans ma vie c'est la tempête. Alors j'braille, j'braille, mes sentiments. M'as-tu entendu? Ça m'en foutu, trop de temps perdu à fixer la pendule. Je te promets, je partirai. Mais parmi mes ennemis, je souhaite une longue vie. Tout faire pour s'en tirer. C'est carré dans le sentier, mais je suis frère, oui. Je te promets, je partirai. Mais parmi mes ennemis, je souhaite une longue vie. Tout faire pour s'en tirer. C'est carré dans le sentier, mais je suis frère, oui.